mind, je vois que je l'aime toujours autant. C'est toi qui es en top, on ne dit pas, dis aussi mon camp. Le frérot il a mort, faut pas le traite, ni quoi son plan. Avec bébé on sort, je mets la potion dans la Mont Blanc. Deux, trois moments, je vois que je l'aime toujours autant. C'est toi qui es en top, on ne dit pas, dis aussi mon camp. Le frérot il a mort, faut pas le traite, ni quoi son plan. Anti-couleur, anti-donneur, anti-jaloux, anti-focus, anti-violeur. On s'éloignait, tu m'en pas sali, serre-moi la main. Ça prouve qu'il reste des vrais hommes, des vrais vaillants, des vrais humains. Il faut faire gaffe de qui tu t'entoures. Ils font les mecs contents pour toi, mais pour que tu coules, ils sont pour. Pourquoi ils pissent travers? Il veut que j'insulte son père. Toi c'est bien beau, tu fais la malade, le poteau il veut que tu rentres son verre. Incroyable ce qu'on vit, alors je t'explique ce qu'on boit. Je pète un gros fumigène, les schmitty m'escortent tant qu'on boit. Je parle pas chinois, je parle marseillais. La team du number one, prochain album faudra réessayer. J'suis pas orgueilleux, laisse-les croire que j'suis effrayé. J'fais pas le gangster, regarde tu vois qu'ils l'ont rayé. J'manque pas mon bijou, les gens les y jettent. Et j'la trahis pas, même si m'dis viens j'te casse la quiquette. Ils te racontent que des choses fausses, pleines de